Un banquet consacré au 68e anniversaire de la Fondation de la République populaire démocratique de Corée a été offert le 8 septembre à la Maison coréenne à Tokyo. Y ont participé Ho Jong-man, président du présidium du comité central de la Chongnyon, Association générale des Coréens restant au Japon, le vice-président et chef de département, le président des directions locales de la Chongnyon de la région de Canton, les permanents responsables des organisations au niveau central et des entreprises de la Chongnyon, et les commerçants et industriels coréens au Japon. Y ont été invités également les personnalités des milieux politiques, économiques, sociaux, culturels et de la presse japonais, les diplomates de divers pays, les représentants des institutions internationales ainsi que les correspondants étrangers au Japon.